Book 2 53 المحلات Les magasins نبحث عن محل أدوات رياضية Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. نبحث عن ملحمة. Nous cherchons une boucherie. Nous cherchons une boucherie. نبحث عن صيدلية. Nous cherchons une pharmacie. Nous cherchons une pharmacie. نريد أن نشتري كرة قدم. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. C'est que nous voudrions acheter du salami. C'est que nous voudrions acheter du salami. نريد أن نشتري أدوية. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. أبحث عن محل مجوهرات. Je cherche un bijoutier. Je cherche un bijoutier. أبحث عن studio تصوير. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Je cherche un magasin d'articles photographiques. أبحث عن محل حلويات. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. أبحث عن studio تصوير لأشتري فيلم. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte.